Bon, alors nous allons inventer une histoire. L'histoire d'un éléphant? Non. L'histoire d'un homme et d'une femme? De Hansel et Gretel? De Paul et Virginie? Non. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. L'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. D'accord? Pourquoi pas? Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. Deux jeunes gens. Deux jeunes gens. Deux jeunes gens. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. L'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. L'histoire d'un jeune homme, un jeune homme, un jeune homme. L'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille, une jeune fille, une jeune fille, une jeune fille. L'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. Ça va être l'histoire de qui? De deux jeunes gens. Ça va être l'histoire de deux jeunes gens. Ça va être l'histoire de deux jeunes filles. Non, ça va être l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune fille. D'accord? Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, très bien. Qu'est-ce que le jeune homme va être? Est-ce que le jeune homme va être italien? Non, pas italien. Non? Le jeune homme ne va pas être italien? Qu'est-ce qu'il va être alors? Est-ce qu'il va être espagnol? Non. Est-ce qu'il va être anglais? Japonais? Norvégien? Non. Alors, qu'est-ce qu'il va être? Américain? Si vous voulez. Qu'est-ce que le jeune homme va être? Qu'est-ce que le jeune homme va être? Être. Être. Qu'est-ce que le jeune homme va être? Qu'est-ce que le jeune homme va être? Est-ce que le jeune homme va être italien? Italien? Italien? Italien? Est-ce qu'il va être espagnol? Espagnol? Espagnol? Est-ce qu'il va être anglais? Anglais? Anglais? Japonais? Japonais? Japonais? Norvégien? Norvégien? Norvégien? Alors, qu'est-ce qu'il va être? Américain? Américain? Américain? Qu'est-ce que le jeune homme va être? Américain. Le jeune homme va être américain.